بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إن شاء الله on procède à la petite révision du vendredi dernier. On avait pu voir vendredi dernier, on avait commencé d'où? Quel est le jugement de la soufra? De l'isoloir dans la salah. Préférable ou non obligatoire? Non. Oussama, il nous a dit c'est mustahab. Au sahih, qui c'est qui tranche entre ces deux personnes-là? On a une personne dans le salon qui dit que c'est obligatoire pour la personne qui est toute seule. Et Oussama nous fait part qu'il est préférable de faire ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut trancher entre ces deux avis? Non. C'est obligatoire et il n'y a aucune preuve qui prouve ou bien qui dévie l'obligation vers le statut de recommandation yani mustahab, comme on peut le voir. La tusalli naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé en disant la tusalli illa ila sutratin. Il nous a ordonné de prier vers le sutra, donc l'ordre. Que, comme c'est ma'rouf, lorsque un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, cet ordre-là fait naham du jugement de la chose qui a été ordonnée, qu'elle est obligatoire. Qu'elle est obligatoire, car comme on a pu le voir, c'est une règle parmi les règles des usul, dont la majorité des savants du usul sont tous unanimes par, dessus, naham. An al-amr bi shay yaqtadi wujub naham fi'l al-amr. Lorsqu'il nous est ordonné une chose dans la religion, ça implique qu'elle nous est imposée. Donc, comme on n'a aucune preuve nous prouvant qu'on peut dévier ce jugement vers l'obligation, vers naham, la recommandation, on laisse la preuve telle qu'elle est. Comme on a pu le voir, cette obligation, elle est avisée à une certaine partie des musallim. C'est pas tous les musallim à qui il est obligé de prendre une sutra. Qui peut nous rappeler les personnes à qui la sutra est obligée dans la salah? L'imam et celui qui prie tout seul. Celui qui prie tout seul, qui est dans le cas, il lui incombe de prendre la sutra. Quant à celui qui est présidé, il n'est pas obligé de prendre la sutra, car comme on a pu le voir, il y a un hadith qui nous prouve cela. Qui c'est qui se rappelle du hadith, ou bien du sens du hadith, si jamais, même s'il n'a pas appris? Ibn Abbas. Donc, hadith Ibn Abbas, lorsqu'il est passé dans les rangs. Et personne ne lui a reproché ceci. Et ça, ceci nous prouve que si jamais. N'a pas été repoussé. C'est ça. Le fait qu'il n'a pas été repoussé, et le fait qu'Adalika qu'il l'a fait, parce que c'est Ibn Abbas lui-même, si jamais il l'a fait, c'est que c'était autorisé. Et si jamais il n'a pas été repoussé, qu'Adalika, ça prouve qu'il est autorisé. Ou qu'Adalika, parmi les arguments qui appuient cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec les nombreuses prières qu'il a présidées, à aucun moment, il a ordonné aux personnes qui se trouvaient derrière lui de prendre une sutra. Comme ils ont dit, lève la main. يعني لا سترة يعني سترة المصلي كافية لنعم لمن وراءه لا سترة de l'imam تمام de celui qui prie celui qui préside la prière est suffisante pour ceux qui pas pour ceux qui sont derrière تمام نعم est-ce que le jugement de la sutra différencie selon la superficie de la mosquée ou bien cette obligation elle est générale et englobe toutes les circonstances? Non. En gros, ça englobe toutes les circonstances, c'est ça? Anabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, tu salli, il a sutra la sunnah. Il n'a pas restreint son ordre à une chose qui est bien précise. Donc ça reste, il y en a âme, katalika. Ça fait partie de qawa'id dans le usul. Lorsque le sens il est large, il est naham, global, tu dois le laisser tel qu'il est. Jusqu'à ce qu'une preuve vient la restreindre. Et comme il n'a pas de preuve, donc on laisse comme il est. Anabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié la personne qui s'efforce de vouloir passer entre eux, elle musalli wa la sutra, après qu'il a été repoussé, comme étant un shaitan. Fa inna ma'ahu al-qarin. À quel justificatif il a été qualifié cette personne-là de shaitan? Yani, quelles sont les raisons pour lesquelles la personne qui s'efforce à passer entre eux, le musalli et la sutra, a été qualifiée de shaitan? Pour quelle raison? Si vous vous rappelez, on a évoqué deux raisons. Qui peut nous les rappeler? Si vous vous rappelez, on avait dit, la première raison pour laquelle il a été qualifié de la sorte, car Shaytan c'est lui qui le pousse. Ça c'est un sens qui est proche. Et deuxième sens, comme l'a évoqué la sœur, car Shaytan essaie de distraire le prière, yani al-musalli. Car comme yani c'est parmi les sifat al-Shaytan, yani annahu yas'a fi tashwish al-ibad. Il essaie de chambouler, de distraire, de pervertir le din des serviteurs. Donc là, celui qui passe entre le musalli et la sutra, il s'est certes identifié au Shaytan, dans le sens où il va par cet acte-là, chambouler kazalika le prière. Parce que celui qui prie, il est concentré dans sa salat, le fait qu'il passe devant lui, ça va le distraire, ça va le chambouler. Et comme c'est le cas de Shaytan qui s'efforce de faire avec le din des gens. On a Allah subhanahu wa ta'ala, al yahfadana wa yakum min al-shaytan wa hizbah. Quel est le jugement quant au fait de se rapprocher de la sutra détestable? Naham, qui sait quelle réponse autre que wajib? Naham. Achet dalil, c'est quoi la preuve? Un bil ma'na, wajib, naham. Anna ma'adhu, annahu wajib. C'est une obligation. Ala sahih, fi khilaf, lakin, as sahih, annahu wajib. Quelqu'un de vous peut nous rappeler la preuve de cela? وحفظ الأدلة يعني يعين على نعم حفظ المسائل يعني le fait d'apprendre les preuves ça aide à ne pas oublier les sujets lorsque quelqu'un d'entre vous prie qu'il se rapproche نعم lorsque quelqu'un d'entre vous prie qu'il se rapproche de ce sutra. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدنو منها, qu'il se rapproche de sa sutra, فليدنو منها. Et la majorité des savants, ils voient que c'est préférable de se rapprocher, mais ils n'ont aucune preuve déviant l'obligation vers la recommandation. Donc, comme on a pu le voir précédemment, la wajib reste al-kal, jusqu'à ce qu'une preuve nous prouve le contraire. Par rapport à la distance qu'il doit avoir entre la sutra et al-musalli, quelle est la distance qui doit être observée entre la sutra ou le musalli et celui qui prie? Une coudée mutlaqa, trois coudées c'est le debout, naham, et qui complète elle est entre le sujet de la sutra, le sujet passe à mouton entre naham. Et ces trois coudées, si la personne est debout, comme cela est parvenu du hadith Bilal, anahu qala salli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi jawf al-ka'ba وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. Entre lui, le prophète sallam, il a prié à l'intérieur de la Kaaba, il y avait entre lui et le jidar, qu'il avait pris comme isoloir, comme sutra, une distance de trois coudées. Et l'autre hadith, كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار نعم يعني مسافة مرشة, يعني la distance qu'il y avait entre le Nabi صلى الله عليه وسلم et le moment où il était en sujoud, c'est بارك الله فيكم نعم la longueur d'un mouton. Et un mouton, comme on peut le voir, ça varie. Les moutons, ils varient. Mais la plupart, c'est une coudée. Un mouton qui est normal, et la largeur qui est d'une coudée. Naham. Barakallahu fikoum, ahsan tikoum. Naham. Vous avez jugé qu'il est obligé que la personne prenne une sutra lorsqu'il prie. Hadith ibn Abbas, dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال وهو في البخاري قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى غير جدار, يعني une fois النبي صلى الله عليه وسلم il a prié, il ne s'est pas orienté vers un mur. Cette preuve ne prouve-t-elle pas que l'avis de ceux qui ont dit qu'il est préférable de prendre une sutra, yani cette preuve là ne fortifie-t-elle pas l'avis de ceux qui disent que c'est préférable, ou bien ce hadith là il a été interprété? J'ai vu que la sutra soit autre qu'un mur. Naam. Cheikh Al-Albani qui indique que le hadith doit être jugé de femme. S'il se trouve, naam. Trois compréhensions ont été avisées quant à ce hadith. La première, c'est que Cheikh Al-Albani, malgré que ce hadith soit évoqué dans les recueils de Bukhari, il dit que ce hadith-là il est plus apte. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il est plus apte à ce qu'il soit jugé de faible. Tamam. Le deuxième avis est que ceci n'implique pas que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas mis devant lui une sutra, même s'il n'a pas prié devant un mur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas planté devant lui un bâton ou autre. La troisième explication par rapport à ce hadith, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que et il avait prié à l'extérieur de la mosquée et non pas à l'intérieur. Donc les hadiths qui sont venus qui nous ordonnent de prier vers le sutra, il reste lequel? Et le hadith d'Ibn Abbas, en aucun cas il dévie l'obligation vers la recommandation. Quelle est la distance qui est obligatoire de respecter dans la prière? Je vais dire au niveau de la sutra. Comme on a pu le voir, une coudée lorsque la personne est en soujoud, et trois coudées si la personne est debout. Ça, c'est la sunna. Six coudées. Ça, c'est venu de Marqal ibn Yassar. Lakin, comme on a pu le voir, il y a un dhabit. Alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a un dhabit qui nous permet de. Il y en a un dhabit qui nous permet de pouvoir cerner la distance qui est obligatoire. Une distance suffisante pour repousser une personne qui pourrait passer devant toi. En dehors de cette distance-là, si la personne se met en dehors de cette distance-là, c'est-à-dire que si jamais la personne elle a une distance, elle est beaucoup plus lointaine que, ou une distance qui ne permet pas de repousser la personne qui veut passer entre lui, fait par cela un acte qui la voit être exposée au châtiment avilissant d'Allah Azzawajal, Yom Al-Qiyamah, car le fait de se rapprocher, comme cela est prépondérant, Inch'Allah, de sa sutra, c'est une obligation, et le fait que tu te mettes à une distance qui ne te permet pas de repousser à la personne qui veut passer entre toi ta sutra, ça fait de toi que ou ça fait de la personne qu'elle a commis un péché. Ça fait de la personne qu'elle a commis un péché. Voilà ce dont on a pu évoquer le vendredi dernier. Oui, inshallah, notre khol al-yom, wa nikamil inshallah, on va essayer de finir la sutra et se rapprocher plus d'une coudée. Le fait de se rapprocher, voilà, le fait de se rapprocher de plus d'une coudée, comme on a pu le voir, c'est détestable. Le fait, maintenant, de la personne qui colle sa tête à la sutra, alors qu'elle a la possibilité, et rien ne l'empêche de faire cela, ça c'est détestable, car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a là, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple à suivre. Le fait de délaisser sa sunna, c'est une chose qui est détestable. إن شاء الله نبدأ اليوم في أو نواصل إن شاء الله في مسائل السترة. donc on poursuit إن شاء الله dans les sujets qui se rapportent à la sutra. كيف يمكن الإمام الألباني à la suite de ce qu'on a pu voir la semaine dernière ou bien le vendredi dernier. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى مقدار ارتفاع السترة. quel est le jugement quant à la hauteur de la sutra. قال رحمه الله تعالى ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين. الإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول qu'il est obligatoire et impératif que la sutra, نعم, l'isoloir, il soit élevé. Il nous dit d'une hauteur qui est semblable à un enfant ou deux enfants. Quelle est la preuve de cela? Il nous dit لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Il nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là, il a été rapporté dans le sens. Quant au terme du hadith, plus exactement, ce hadith, Talhat ibn Ubaydillah, radiallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, idha ja'alta bayna yadayka mitha mu'akhati rahl, fala yadurruk, fala na'am, fala yadurruka man marra bayna yadayk, rawahu Abu Dawud. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. donc il nous dit dans ce hadith, lorsque tu mets une chose devant toi, il faut qu'elle soit, pour une sutra, il faut qu'elle soit d'une hauteur qui soit semblable à la selle d'un na'am, d'un chameau, la selle d'une monture, plutôt la selle d'une monture. Donc le Cheikh Al-Albani, il a évalué cette hauteur en disant qu'elle est semblable à un enfant ou deux enfants, à savoir que comme l'on dit les imams Al-Shafi'i ou l'imam Malik rahmatullahi alayhima, que la hauteur d'une selle d'une monture, comme elle varie, comme on a pu le voir un peu hier, la selle d'une monture elle varie d'une à autre. Donc quelle est la dhab, c'est quoi la norme, c'est quoi la hauteur qui réunit à peu près celle des selles? C'est celle qui est, comme l'a dit l'imam Malik et l'imam Shafi'i, qui est semblable à peu près à une coudée. C'est-à-dire, du coude, la coudée, il faut savoir qu'elle commence du coude jusqu'au poignet. Il y a une personne qui est, ni qui a une grande main, une personne qui n'a pas, qui a ni un avant-bras qui est long, et ni l'avant-bras qui est court. Il faut que l'avant-bras il soit, une personne qui soit normale, de taille normale. Et ce qui nous prouve yani que la sutra doit être élevée et d'une hauteur qui est approximative, car ce texte-là, comme on a pu le voir un peu hier, il nous montre que quant à la hauteur de la sutra, c'est une hauteur qui est approximative. Une hauteur qui est approximative. Ce n'est pas forcément yani, comme c'est le cas dans certaines mosquées, il faut que ce soit 50 cm. Non. Yani, à partir du moment que la sutra se rapproche de la hauteur d'une coudée, d'une personne qui est normale, ou d'une selle d'une monture, tamam, cette sutra-là, elle est valable pour être prise dans la salat, pour se protéger des personnes qui passent entre toi et Yanni, c'est-à-dire qui vont te couper la salat. Tamam. Donc c'est approximatif, c'est pas une hauteur qui est bien précise. Car qu'est-ce qui en prouve cela ? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a hadith Aïcha radiallahu ta'ala anha, قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السترة فقال مثل ما أخرت الرحمة رواه مسلم نعم عائشة nous fait part de ce hadith rapporté par l'imam muslim que le Nabi صلى الله عليه وسلم fut questionné au sujet de la sutra. Il dit elle est semblable à la hauteur d'une selle d'une monture. Donc le fait qu'il dise elle est semblable, comme l'a dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, ça nous montre que la hauteur, c'est une hauteur qui est évaluée et elle est approximativement. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, en bas de la page, c'est-à-dire fil hashia, et il rapporte une annotation, un commentaire. Naham, il nous dit fi hadha al-hadith, yani c'est-à-dire le hadith qu'il a évoqué dans le livre, idha wada ahadukum bayna yaday mithl mu'akhirati ar-rahl falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalika. Il nous dit fi hadha al-hadith ishara ila anna al-khat 'ala al-ard la yajzi wa al-hadith al-marwi fihi da'if. Il nous dit ce hadith là qui nous montre que la hauteur, yani, la sutra, yani, une hauteur qui est approximative, yani, elle doit être élevée. Ça nous prouve bien que le fait de tracer un trait sur yani, à terre, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas compté comme une sutra, ce n'est pas considéré comme une sutra, car la sutra doit être élevée. Elle doit être élevée. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit « Yajib an takuna as-sutratu murtafi'atan 'ala al-ard ». Cela afin de réfuter l'avis de ceux qui disent qu'il te suffit pour prendre une sutra de tracer un trait à terre. Cheikh Al-Albani dit non, il faut qu'elle soit élevée. Et les preuves, ils sont plus du côté de l'imam Al-Albani, même ils sont avec la position de l'imam Al-Albani, que vers la position de ceux qui ont dit que tracer un trait, ça suffit comme sutra. Et ça, il faut savoir que Yannick Amal Cheikh Al-Albani, le hadith al-marufihi, daif, il y a le hadith qui est venu, qui nous dit qu'il est légiféré de tracer un trait à terre pour prendre comme sutra. Les personnes qui font ça, il faut qu'ils sachent que Yannick, c'est un hadith qui est daif. Donc le hadith daif, tu ne peux pas le prendre pour faire une chose qui est légiférée dans le dîn. Car il est baïf, yani il est rejeté. Tamam. Cheikh Al-Albani, il a évoqué, non, donc la hauteur de la sutra. Et il n'a pas exposé la largeur de la sutra. Et Inch'Allah, nous, on va le rajouter. Donc quant à la largeur de la sutra, rien ne spécifie, comme l'a évoqué l'imam Ibn Qudama, rien n'est, il n'y a aucun texte, yani parmi le kitab wa sunnah, qui spécifie la largeur de la sutra. Qui spécifie la largeur de la sutra. Donc, comme l'a dit l'imam Al-Qudama, rahimahullah ta'ala, madame al-amru kadhalika, fal-amru fihi sahl. Tamam. À partir du moment qu'il n'y a rien qui spécifie et qui précise cela, donc, yani, qui prie avec une sutra qui est large comme un mur ou bien qui est n'aham fin comme un bâton, yani, il n'y a pas de problème à partir du moment que cette chose-là, comme l'a dit notre cher Mohammed ibn Hizam, hafizahullah ta'ala, à partir du moment que cette sutra-là, elle est visible. Car le but de la sutra, c'est qu'elle soit une alame, un signe, afin que celui qui veut passer devant toi, il sache que tu es en train de prier, donc il passe derrière la sutra. C'est-à-dire, il n'y a pas entre toi et ta sutra. Tamam. Donc il faut qu'elle soit visible, même si jamais la largeur n'a pas été évoquée. Cette sutra-là, les oloirs, il faut qu'il soit visible. Naam. Il faut qu'adalika, il puisse se tenir sur les mains. Donc la personne qui veut mettre un fil, comme un fil de couture, et il croit que c'est un haram, une sutra pour lui, ça c'est pas une sutra. Car le fil en lui-même, si jamais même si jamais il venait à accrocher le fil, pour prendre comme exemple, sur un mur, et le fil il le fait descendre jusqu'à terre, tout en le mettant entre lui et la qibla, c'est-à-dire il prend ce fil-là, comme le fil de couture, pour que ce soit une sutra. Et ça on dit c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, d'un, parce que c'est pas visible, et thaniyan, si jamais on venait à couper le fil, ou bien le détacher du mur, le fil en lui-même ne tient pas debout. Donc toute sutra qui ne tient pas debout ou qui est invisible n'est pas une sutra dans l'islam. Parce que la sutra, comme on a pu le voir, il faut qu'elle soit mortafia, c'est-à-dire qu'elle tient sur elle-même. Qu'elle soit levée à la surface du sol. Donc il faut qu'elle tienne sur elle-même, il faut qu'elle soit visible, car le but et la hikmah, la sagesse, quant au fait que la sutra a été légiférée, c'est qu'afin que celui qui Naam, passe dans la mosquée ou bien l'endroit où tu te trouves, il sache que tu es en train de prier afin qu'il ne te coupe pas la salat. Tamam. Donc, ces deux conditions sont à observer quant à la largeur de la sutra, qu'elle soit visible et qu'elle tienne sur un meuble. قال رحمه الله تعالى ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة. Et nous dit Cheikh Al-Albani, deuxième point à voir quant à la sutra, c'est que la personne lorsqu'elle prie, يتوجه إلى سترة مباشرة. Il faut qu'elle soit en face, qu'elle s'oriente en face de la sutra. تمام. Pourquoi il nous dit لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة. Le hadith, يعني à travers les textes, يعني qui nous ordonne de prendre une sutra. Comme c'est le cas pour Hadith, la tusalli illa ila sutrahim, ila sutratin, n'am, ne prie que vers une sutra. Il est inclus dans cet ordre, c'est-à-dire de prendre la sutra, que la personne qui prie, il doit la mettre la sutra en face de lui. Ni il se tient à gauche de la sutra, et ni il se tient kadhalika à droite de la sutra. Car le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne cela, ça implique, comme l'a dit le Cheikh Al-Albani, que tu te mets en face. Kama qala li anna dhahir, yani d'apparence, al-amr bis sala ila sutra, yani. Le fait que Nabi Sussam nous ordonne de prier vers la sutra, ça implique de se mettre devant la sutra et non à gauche et ni à droite. Les arguments qui appuient l'avis de Cheikh Al-Albani par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui voient, certains ulama, qui voient que tu, c'est possible que tu te mets à gauche, mais certains ils voient que c'est préférable. Ils voient que c'est préférable que la personne yamin shimalan, shuya ou yamina, shimalan ou yamina, ani sutra. Détache et qui se déplace un petit peu à gauche ou à droite de la sutra, ils ont préféré cela. Il y a des hadiths qui sont venus pour cela, mais tous ces hadiths qui sont venus quant au fait qui énoncent que tu as la possibilité de te décaler de ta sutra soit à gauche ou soit à droite, c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques, et même qui sont, si on peut le dire, munkar, car ils sont en contradiction, ils s'opposent aux hadiths dans lesquels le Nabi sallam il l'ordonne de se mettre en face de la sutra. Yani, au fait, c'est, on le comprend à travers les textes. Le fait qu'il nous ordonne de se mettre ou de prier vers une sutra, ça implique que tu te mettes naam en face de la sutra. Tu te mettes en face de la naam sutra. Et parmi les hadiths qui appuient cela, hadith Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas, fa'arada an yashtaza bayna yadayhi falyadfa'hu. Muttafaqun alayhi. Et nous dit Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallam dit, lorsque l'un d'entre vous prie vers une chose s'interposant ou bien le couvrant des gens, qu'il le repousse s'il tente de passer entre lui et sa sutra. Remarquez comme le thème, ou plutôt le terme qui a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il nous dit, ila shay'in yasturuhu, ila salli ahadukum ila shay'in. Lorsque l'un d'entre vous prie vers une chose qui le couvre, ou bien une chose qui s'interpose entre lui et la Qibla, il a employé un terme là qui indique que la sutra s'interpose. Y a-t-il pas une preuve suffisante prouvant que la sutra doit être devant la personne qui prie? Car si cela aurait été le contraire, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas à travers ce texte qu'il faut se mettre en face de la Qibla, on n'aurait pas pu employer le terme yani yasturuhu, car le fait que tu te mettes à gauche ou bien à droite d'un objet qui est en face de toi, on ne peut pas dire que cet objet-là yani, il te couvre ou bien même qu'il s'interpose entre toi. Yani, une chose pour qu'elle s'interpose ou qu'elle te couvre, il faut qu'elle soit en face de toi. Donc le fait que Nabi Sassan me dit il a shay'in yasturuhu, naham, il a salla hadakum la shay'in yasturuhu, ceci implique que la personne doit se mettre en face pour que le texte yani. Naham, il soit en accord avec la position qu'il a dans la prière. Tamam. Fa'ani al-qawl, ceux qui disent qu'il est préférable de se mettre à gauche ou à droite, c'est une position qui est faible, même qui est contraire et oppose, qui s'oppose aux nombreux hadiths qui nous prouvent qu'il faut prier en face de la sutra. Qala rahimahullah ta'ala, amma at-tahawwul 'anha yaminan aw yasaran bihaythu annahu la yasmuduhu ilayha samda falam yathbut. Et nous dit le fait que la personne à ce débit de la sutra, c'est-à-dire en se mettant à gauche ou à droite de la sutra, et de façon à ce qu'il ne soit pas en face de la sutra, c'est une chose qui n'est pas authentifiée, comme on a pu le voir. C'est une chose qui n'est pas authentifiée. قال رحمه الله تعالى وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة إلى في الأرض أو نحوها. Il nous dit, il est possible de légiférer au musalli qu'il prie et prenne pour cela une sutra un bâton qui, qui l'enfonce dans la terre, ou bien une chose qui est semblable au bâton, comme c'est le cas d'une lance ou bien une canne, ou autre, yani, qui est semblable au bâton. Car, comme l'a évoqué ce grand muhaddith, yani Sheikh Al-Albani, il n'y a aucune preuve qui prouve le contraire. Yani, bien au contraire, il y a des hadiths qui nous prouvent que Nabi Sassam l'a fait, comme c'est le cas de Hadith ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kana idha kharaja yawm al-eid, amara bil harbati fatuda' bayna yadayh, muttafaqun alayh. Nabi sallam, lorsque le prophète sallam sortit yawm al-eid, il ordonna qu'une lance soit placée dans l'île, c'est-à-dire qu'elle soit enfoncée dans la terre. Wa kadhalika hadith Abi Juhayfa, qala ra'aytu bilalan akhadha 'anazatan فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الى العنزه متفق عليه ابو جحيفه رضي الله تعالى عنه ندي j'ai vu Bilal planter un jour une anaza, faut savoir que l'anaza dans la langue arabe ça a un sens dans la langue française, un bâton, une lance, l'anaza. J'ai vu, donc il dit, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم planter une anaza dans le sol, puis le prophète صلى الله عليه وسلم il a prié, et non, le prophète صلى الله عليه وسلم il est sorti, il a prié vers cette anaza, et ce bâton là qui a été planté dans le sol. Donc ceci nous prouve ou appuie le texte ou la parole de Cheikh Al-Albani lorsqu'il dit qu'il est possible, naam, tajouz al-salat ila al-hasa al-mahrouzati fil ard. Il est possible de prier vers un bâton qui a été planté dans la terre. قال رحمه الله تعالى وإلى شجرة أو أسطوانة. كذلك, il nous dit c'est possible de légiférer qu'il prenne comme sutra un arbre ou bien un pilier. Ustouana, un pilier. Quant au fait de prier vers un poteau, un pilier, ceci est authentifié, comme c'est venu, min hadith Salamata ibn al-Akwa' annahu qala annahu kana yataharra as-salat 'inda al-ustuwanati allati kanat 'inda al-mushaf, yani fi al-masjid an-nabawi, fa qila lahu fi dhalika fa qala inni la ataharra as-salat 'indaha, naham fa inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yataharra as-salat 'indaha, muttafaqun 'alayhi. Ce hadith, As-Salam ibn Akwa, dit qu'il avait pris pour habitude de prier vers un poteau, vers un pilier. Et il dit, car j'ai vu le prophète sallam faire ça de manière régulière, c'est-à-dire de prendre le pilier, le poteau, comme sutra dans la prière. Donc ceci nous prouve et appuie ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire qu'il a le droit de prendre comme sutra, ustuwana, amal shajara. Il n'y a pas, un texte qui est venu que Nabi Sassam il l'a fait particulièrement, mais comme le prouve le hadith Abi Sa'id, ce que j'ai pu vous lire précédemment, dans lequel Nabi Sassam me dit il a sal ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas. Donc ceci, ce hadith là, il est âme, il est global, il englobe toute chose, c'est-à-dire tu peux prendre toute chose, sauf à, si jamais l'exception vient prouver cela, toute chose peut être prise comme sutra, comme on a dit, à partir du moment que cette chose là remplit les conditions qui doivent être remplies dans la largeur de la sutra et dans la hauteur de la sutra, comme on a pu le voir juste avant. Donc un shajara, c'est une chose qui tient sur elle-même et c'est une chose qui est voyante. Donc déjà elle a rempli la condition à la largeur de la sutra. Et quant à la hauteur, un shajara, même si jamais tartalif, la plupart des shajara ne sont plus la hauteur d'un shajara, c'est bien plus haut que 3 coudées. Donc ceci nous prouve que un shajara, يعني تطوت في الوضع لبخم كم سترة. وقال رحمه الله تعالى وإلى المرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها. يعني ذلك il est possible qu'il prie vers sa femme. أما si elle prie vers la femme qui lui est étrangère, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça, تمام. À partir du moment que sa femme, parce qu'il va être mouchawas pour ça. يعني comment ça se prend comme sutra une femme qu'il ne veut pas partir à l'île Maharim. قال وإلى مرأته متجعة المتجعة على السرير وهي في تحت لحافها. À partir du moment il nous dit que ça, il a droit de prier en prenant pour sutra son épouse lorsqu'elle est allongée dans son lit sous la couverture. تحت لحافها. Et la preuve nous prouve cela. Hadith Aïcha, نعم رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد رأيتني متجعة في لحافي على السرير يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير نعم فيصلي متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها مدي certaines fois il arrive au prophète صلى الله عليه وسلم de prier en face de mon lit alors que je m'y trouvais allongé sous ma couverture. Le hadith est متفق عليه. Et ce hadith là aussi nous prouve que yani, c'est interdit de se mettre à droite ou à gauche de la sutra. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, à Aïcha, nous a caractérisé la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait ou il prenait la sutra. C'est-à-dire que il a pris le lit comme sutra et s'est mis au milieu du lit. Il s'est ni mis à gauche et ni mis, il s'est ni, comment ça s'appelle, placé à droite de la sutra. Donc ça c'est un dalil qui nous prouve que ceux qui voient que ta droite te mettent à droite ou à gauche de la sutra, comme j'avais évoqué, ce hadith-là, c'est celui-là qui nous prouve, vraiment c'est celui-là qui est clair et précis, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis à gauche et ni à droite. Wa khayrul huda hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rahimahullah ta'ala. وإلى الدابة ولو كانت جملا يعني كذلك يبقى prendre comme sutra نعم sa monture elle peut être prise يعني comme sutra elle peut être prise comme sutra نعم car on fait les hadiths يعني prouve cela comme c'est le cas du hadith ibn Umar نعم رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلي اليها متفق عليه le prophète sallam il nous informe ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à certaines reprises a placé sa monture en largeur, puis il a pris pour sutra, pour isoloir, pour prier vers elle. Donc le truc c'est la manière de procéder quant au fait de prendre la monture comme sutra, c'est de le positionner en large, ni à celui en face de toi et ni c'est le derrière de la monture qui est en face de toi. Tu la mets en largeur. Et à partir du moment où tu as mon argent, tu peux la prendre comme sutra. Tu peux la prendre comme sutra, comme nous prouve le hadith d'Ibn Umar. Radiallahu ta'ala anhumah. Donc ce jugement-là, il est tel aussi qu'à l'écart pour les chameaux. On peut les prendre comme isoloir, comme l'a dit Cheikh Al-Albani. Et même si jamais la monture, c'est un chameau, tu as le droit de la prendre, ou bien plutôt, tu as le droit de prendre le chameau comme sutra. Pourquoi il a évoqué comme bête, yani le chameau, cela afin que tu ne fasses pas d'amalgame et que tu ne sois pas chamboulé quant au fait et tu ne tombes pas plutôt dans. Ça ne prête pas pour toi confusion. Quant au hadith dans lequel on a pu le voir, yani dans les lieux qui annulent la prière de celui qui priera devant, on a pu voir que le fait de prier dans les enclos de chameau, ça annule la prière, vous vous rappelez? Donc, ce hadith-là, yani, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an salah fi mabarik al-ibl. Il a interdit de prier dans les endroits ou dans les enclos de chameaux. Donc la personne, ça peut lui prêter à confusion. Il peut se poser la question et dire comment la salat dans les enclos, elle est interdite et tu as le droit de prendre comme sutra le chameau. Donc l'interdiction, il est restreint à l'endroit et non pas à, comment ça s'appelle, le chameau. Un enclos, c'est le makan qui a été assujetti pour cela. À moins le fait qu'il s'arrête dans un endroit comme ça, parce que en fait, ce n'est sans le vouloir, ou sans faire de cet endroit-là que c'est un enclos, c'est tout à fait possible de prier en mettant la chamelle ou bien le chameau en face de toi. L'interdiction, elle est restreinte à l'enclos qui a été pris particulièrement pour que le chameau ou bien les chameaux ils se reposent dedans. Quant au fait, comme on a pu le voir, si jamais tu t'arrêtes sur la route à n'importe quel endroit, qui n'est pas précis, ça, c'est pas, on ne peut pas appeler cet endroit-là un enclos de chameau. C'est marouf. Donc, y a pas de, ça ne prête pas à confusion le fait que c'est interdit de prier dans les enclos de chameau et que tu peux prendre le chameau comme sutra. Il n'y a aucune contradiction avec les deux textes. C'est pour ça qu'il a évoqué Cheikh Al-Albani, wa ni'ma ma fa'al. Et c'est bien qu'il a fait ça afin qu'il n'y ait pas de confusion à cela. Il a le droit de prier vers le chameau, même si jamais, ou plutôt vers sa monture, même si cette monture-là, c'est un chameau. قال رحمه الله تعالى تحريم الصلاة إلى القبور. ينودي الشيخ الألباني qu'il est totalement interdit de prier vers les cimetières. Pourquoi الشيخ الألباني nous a-t-il évoqué ceci? Cela afin que la personne ou bien le musallim muslim il sache que c'est pas toute chose qui peut être prise comme sutra. C'est pas toute chose qui peut être prise comme sutra. Car hadith Abu Sa'id comme on a pu le voir. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره que lorsque quelqu'un prie vers une chose qui n'aham le couvre ou bien qui s'interpose entre lui et la qibla, la personne a pu comprendre que c'est toute chose qui peut être prise comme n'aham sutra, car النبي صلى الله عليه وسلم l'a dit إلى شيء يستره. Il n'a pas précisé quelles sont les choses qui doivent être prises comme sutra. Donc la personne a pu comprendre à travers le hadith d'Abu Sa'id radiallahu ta'ala anhu, que c'est toute chose qui peut être priée comme sutra. Cheikh Al-Albani, en nous rappelant le jugement ou bien l'interdiction qui a été évoquée quant au fait de prier vers les tombes, ça nous prouve que ce n'est pas tout endroit et toute chose qui peut être priée comme sutra, car il y a des textes, il y en a qui restreint la globalité ou bien les textes généraux qui nous prouvent que tu peux prendre toute chose comme sutra. Donc parmi les exceptions, parmi les choses qui ne peuvent pas être prises comme sutra, ni les cimetières. Tu ne peux pas prendre un cimetière comme sutra. Car ceci a été interdit, comme on a pu le voir, dans les conditions, si vous vous rappelez, ou bien les lieux qui annulent la prière. On avait pu voir les hadiths, on va les répéter, inshallah. قال رحمه الله تعالى ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا. Il nous dit, c'est impossible, ou plutôt il est interdit, il n'est pas autorisé de prier que le musalli prie vers les cimetières de manière générale, quoi qu'il en soit. Et les preuves qui prouvent cela, comme on a pu le voir, hadith الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وكذلك حديث لا تصل إلى القبور ولا تجلس عليها رواه مسلم. Et dans ces deux hadiths, le Prophète nous dit que la terre entière elle a été assujettie pour lieu de prière, excepté les cimetières, excepté كذلك les hammams, les hammams. C'est pas les toilettes, hein, les hammams, comme ils disent en français. Et il nous dit كذلك ولا تصل إلى القبور. Et ne priez pas vers les cimetières, et ni kazalika, il vous est permis de vous asseoir sur les cimetières. Donc ces deux hadiths nous prouvent qu'il est interdit de prier vers les cimetières, donc, et ceci implique kazalika de ne pas prendre comme sutra les cimetières. Parce que si jamais tu prends comme sutra, ça fait de toi que tu pries vers cette chose-là. Donc il est interdit de faire ça. Et kazalika, le fait de faire ça, et ni ça fait partie du shirk asfar, ma'aruf. Le fait que tu pries vers une tombe, ça fait partie du shirk asghar, car toute chose qui aboutit au shirk akbar, comme c'est marqué dans le kutub al-haqid ou le kutub al-tawhid, كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. Toute chose qui ouvre la porte et aboutit au shirk akbar, ça fait partie du shirk asghar. Et ça fait parmi, c'est une norme parmi les normes par laquelle tu peux connaître le shirk al-asghar. Si jamais ça ouvre la porte, parce que la personne lorsqu'elle prie devant une tombe, si on venait jeter un œil sur cette personne-là qui est en train de prier, d'apparence, la personne peut dire qu'elle est en train de prier pour la personne qui est enterrée. Il va voir le frère avec une camis, il va voir la personne avec une lahia, et il va dire ben, tout ça c'est tout à fait possible. Celui-là, la lahia, c'est quelqu'un qui est multazim, qui est impliqué dans son dîn, et il prie vers une tombe. C'est-à-dire que tu peux y aller adorer la tombe. Y aller, ça peut être une chose qui aboutit à adorer la personne qui est enterrée. Donc c'est pour ça qu'un émission sallam, il a interdit cela, parce que c'est une porte qui ouvre la naham, c'est un chemin qui ouvre la porte au shirk al-akbar. Ça c'est ma'ruf. Et comme on avait pu le voir aussi, kadalika, le fait qu'un émission sallam nous dit la tosal et l'al-kubur, ça ne rentre pas dans le fait que tu pries une janaza. La janaza, maintenant si elle a été enterrée, et tu n'as pas eu le temps de prier sur elle, elle a été enterrée, tu n'as pas eu le temps de prier sur elle, il t'est possible de prier dans le cimetière. Il t'est possible de prier dans le cimetière, mais le truc, c'est que tu ne prends pas la tombe du défunt comme sutra. En fait, tu le mets entre toi et ta sutra. Donc, c'est une différence à faire. Il y a une différence à faire entre le fait de prier vers une tombe et le fait de mettre une tombe entre toi et ta sutra. C'est deux choses différentes. Mais celui qui la met devant lui, qui la met comme sutra, il rentre dans le nahi, il rentre dans l'interdiction. Mais celui qui n'a pas eu le temps de prier sur une personne qui est sur une janaza, sur le défunt, et qui a été enterré, il lui est possible de prendre, ou bien de s'orienter, ou de mettre entre lui et sa sutra, cette tombe-là. Et ça ne rentre pas dans l'interdiction de prier vers la tombe. C'est une chose, parce qu'il ne prie pas vers la tombe, mais il prie vers sa sutra et vers la qibla. Donc, il faut faire attention par rapport à cela. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été, on a pu l'évoquer, qad salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala janaza ba'da an dufinat, kama rawahu al-Bukhari wa Muslim. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà prié sur une janaza après qu'elle a été enterrée. Donc ceci nous prouve qu'il est tout à fait possible de faire ça. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, prier sur une janaza, qu'elle soit enterrée ou non, c'est tout à fait possible, comme le prouve al-Hadith. وكذلك الصحابة قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع والإمام يومئذ أبو هريرة. الحديث يعني توتي أبي الأثر الذي أوتنتيفيه با شيخنا محمد بن حزام حفظه الله تعالى في نعم فتح العلامة يعني كده شرح لبلوغ المرام نفس أثر لا il nous a dit que Omar ibn Omar nous annonce que lorsque Aïcha Umm Salama radiyallahu anhuma lorsqu'elles sont décédées l'imam c'était un jour-là c'était Abu Harar et il a prié en plein milieu du cimetière qui est bien معروف يعني à Médine يعني مقبره البقيع le cimetière qui est appelé al-Baqi et donc il a prié en plein milieu du cimetière donc il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela une janaza tu as droit de la prier dans le cimetière tu as droit de la prier dans le cimetière donc ça ne rentre pas dans l'interdiction dans laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la tusalli ila al-qubur ça ne rentre pas dans la janaza car les preuves nous prouvent qu'il est possible de faire cela. قال سواء كانت نعم قال ولا تجوز الصلاة على إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. Il nous dit c'est la preuve elle est générale ou l'interdiction le fait de prier vers les cimetières c'est général que ce soit نعم les cimetières des prophètes ou d'autres car نعم le jugement est le même يعني que ce soit يعني une tombe d'une personne qui un fasiq ou un kafir, ou bien d'un ami. Il n'y a pas de différence quant à cela. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été, comme le hadith l'est connu, l'ahana al-yahoud wa al-nasara, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ahana al-hadith, l'ahana Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-yahoud wa al-nasara, ou le qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ahana al-yahoud wa al-nasara, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid, yuhadhiru ma sana'a, muttafaqan alayhi. Dans ce hadith-là, il nous dit, ou il nous est énoncé que le prophète sallam, il a maudit les juifs et les nasara qui avaient pour habitude de prendre les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et Nabi sallam, il dit, ou le rapporteur du hadith, il dit, Nabi sallam, en maudissant ces personnes-là, il a mis en garde sa communauté de faire cela. Donc, le fait de prendre les personnes qui prennent les cimetières ou bien les tombes des prophètes comme les prières, ça c'est une ressemblance bi al mal'ounin min al yahoud wal nasara. Et hatta ce personnage est mal'oun, car Nabi sallam il a dit la'ana, il a maudit ceux qui font ça. Donc ceci nous prouve qu'il est interdit de faire ça. Ceci nous prouve qu'il est interdit de prendre les tombes des prophètes comme lieu de prière. Et quant au fait de prier au masjid al-Nabawi, tout en sachant, comme c'est ma'rouf, qu'il est enterré يعني مدين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يعني cela n'empêche en rien que tu puisses prier dans la mosquée car النبي صلى الله عليه وسلم il a dit لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière la personne a pu dire mais là vous êtes en train d'interdire mais vous faites quand vous faites le hajj vous allez visiter la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم dans cette mosquée là il est enterré à Abu Bakr, Omar et Nahab et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment vous interdisez cela et vous priez? On leur dit, comme a dit Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé Nahab qu'il est tout à fait le fait de prier dans sa mosquée, Masjid al-Nabawi, c'est 1000 fois plus récompensé que l'année de fait de prier dans une autre mosquée, autre que les trois mosquées sacrées qui sont Ma'rufa et Ndakon. Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, nous dit tout élargissement ajouté à la superficie du masjid al-Nabawi, ou bien du masjid al-Haram, ou bien d'autres mosquées, est considéré comme faisant partie de la mosquée. Donc la mosquée al-Nabawi, le masjid al-Nabawi, avant qu'il soit élargi, Nabi Sussam a été enterré sous la part de Aïcha, et la part de Aïcha était collée au masjid. Ensuite, les gens, par faute, ils ont élargi la mosquée un peu à droite à gauche. Parce que, comme vous pouvez savoir, ça demande au fur et à mesure, parce que le hajj, les gens y viennent, donc il faut que la mosquée soit élargie. Donc ils ont élargi la mosquée, et le fait qu'ils ont élargi la mosquée, ça ne rentre pas dedans. Parce que comme dit Cheikh Yahya, la tombe elle était séparée de la mosquée. Elle était séparée de la mosquée, ensuite eux ils ont élargi. Ils ont élargi car ils n'avaient pas la possibilité de faire autre. Donc le fait qu'elle soit élargie, ça c'est l'élargissement, il fait partie de la mosquée, et la tombe ne fait pas partie de. Ou bien les tombes d'Abu Bakr, Omar et. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elles ne font pas partie de la mosquée, car Aslan, à la base, elle n'était pas comprise dans la superficie de la mosquée. Mais elle a été, cette mosquée-là, elle a été élargie, sa superficie a été élargie pour des fins. Vous entendez là ? Donc je dis la superficie de la mosquée a été élargie pour des besoins. Pour des besoins. Donc ça ne rentre pas dedans. Vous entendez tout ça ? قال رحمه الله تعالى تحرير أو تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام. Il nous dit, il est interdit de passer entre المصلي et sa sutra, et même si cela c'est dans le masjid al-haram. Donc on a pu évoquer ce hukm-là dans le 8e cours, si vous vous rappelez. On a dit qu'il n'y a pas de différence. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la tusalli illa sutratin, yani la superficie de la mosquée, que ce soit petite, que ce soit grande, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur de la mosquée, que ce soit dans les mosquées ou que ce soit à l'extérieur de la mosquée, que ce soit le masjid al-haram ou pas, il a ordonné mutlaqan, de manière générale, que la personne doit prier vers le sutra. Donc le fait qu'elle prie devant le sutra, ceci implique qu'il ne doit pas laisser passer les gens entre lui et sa sutra, que ce soit le masjid al-haram, le masjid al-nabawi, le masjid al-quds, que ce soit dehors, à l'intérieur, à la kulli hal, il n'incombe à personne de passer entre la personne qui a mis sa sutra. قال ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. إذا كان بين يديه سترة, c'est interdit de passer entre la personne et sa sutra s'il a mis devant lui une sutra. نعم. Comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala l'a évoqué, car le Prophète nous a prouvé que cela était interdit. Et hatta et Ani, un Nabi Sussam, il a menacé les personnes qui s'adonnent à cela, c'est-à-dire à passer entre eux, la sutra et celui qui prie. Comme il a pu commencer à venir dans le hadith, لو كان يعلم المرء ما لو كان يعلم المرء ما عليه إذا مر بين يدي المصلي لكان أن يجلس أو يقف أربعين لكان خيرا له. Comme on a pu, peut-être vous connaissez le hadith là, le fait un Nabi Sussam, il a menacé la personne qui passe entre eux, la sutra et celui qui prie, en disant que si jamais il savait le péché qu'il est en train de faire, lorsqu'il coupe la prière ou passe entre la sutra et celui qui prie, s'il savait seulement le péché qu'il est en train de commettre, il aurait préféré rester debout 40, que ce soit 40 ans, 40 minutes. C'est pour nous dire que c'est vraiment interdit de passer entre la personne et sa sutra. La personne et sa sutra. Cheikh, on peut comprendre dans la parole de Cheikh lorsqu'il dit ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة. Il nous dit, il est interdit de passer entre la sutra et la personne à partir du moment où la personne a mis devant elle une sutra. On peut comprendre à travers ce, la parole de Cheikh, à travers l'écrit de Cheikh, que si jamais la personne ne met pas devant, que si la personne ne met pas devant elle une sutra, il est tout à fait possible de passer entre lui et sa sutra. Car l'a dit Ida, كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُطْرَةً. Et ça fait partie des choses qui restreint un jugement. Lorsque tu ramènes une chose, ensuite tu la restreins en employant dans la langue arabe إِذَا, ça restreint la chose. لَا يَجُزُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَلِّي. Il est interdit de passer entre la sutra et le musalli. ثُمَّ il dit إِذَا, donc il restreint cette interdiction. إِلَّا إِذَا نَعَمْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُطْرَةً. Donc on peut comprendre que celui qui ne met pas sutra, il est tout à fait passé, possible de passer entre lui et sa sutra. Mais comme c'est la vie, parce que certaines personnes y voient que celui qui ne met pas une sutra, c'est de sa faute. Certes, il a commis un péché, mais c'est pas pour cela qu'il était possible de passer devant lui et les nuits avant sa salat. Certains savants y voient que celui qui ne met pas une sutra, tu passes devant lui, tu ne te préoccupes pas de la distance dans laquelle tu es passé. À partir du moment où il n'a pas mis sur le terrain, tu as le droit de passer. Ça, c'est un avis qui est marjouf, qui n'est pas à prendre en considération. Car comme c'est le cas où l'avis de la majorité des Hanabila ou Hananam ou Al-Ahnaf, ils disent qu'il est totalement interdit de passer devant le Moussalli, quelles que soient les circonstances. Qu'il ait mis devant lui une sutra ou qu'il n'ait pas mis devant lui une sutra. Tamam. Donc cette interdiction, elle s'applique seulement au fait de passer, lorsque le Nabi Sussam nous dit la tusalli ou lo ya'lamu al-mar ma bayna yaday al-musalli la kana an yaqif 40 khayran lahu. Il y a un hadith dans lequel on dit, s'il savait seulement le péché qu'il est en train de commettre, si jamais il passe devant lui, ça aurait été mieux pour lui qu'il attende 40 années, 40 jours à la kulli hal, qu'il attende. Ça aurait été mieux, préféré pour lui qu'il attende. Donc ce hadith-là nous prouve, et il est ram. C'est-à-dire qu'il englobe le fait que la personne a une sutra ou qu'il n'a pas une sutra. Tu n'as pas le droit de passer devant lui. Au cas d'Alika, Nabi Sallam, il a ordonné que la personne soit repoussée. Le fait que Nabi Sallam ordonne que la personne soit repoussée, c'est-à-dire que tu mets qu'il y a une sutra ou pas, la personne n'a pas le droit de passer. Elle n'a pas le droit de passer dans la distance que Nabi Sallam a légiféré qu'elle doit être entre lui et sa sutra. C'est-à-dire une coudée si jamais il est prosterné, ou trois coudées si jamais la personne elle est debout. Mais en dehors de cette limite-là, c'est-à-dire, comme on a pu le voir, une coudée en prosternation, et trois coudées si la personne est debout, si jamais la personne passe au-dessus de cette limite, au-dessus de cette longueur, si jamais la personne n'a pas mis sous terrain, il n'aura pas de péché. Mais si jamais il passe dans cette distance-là qui est en dessous des trois coudées lorsqu'il est debout, ou bien en dessous de la coudée lorsqu'il est prosterné, là, il aura commis un péché, même si cette personne-là qui a prié, elle n'a pas mis son travail. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a certes mis en garde le fait de passer devant lui, devant Yannick Moussalli. C'est-à-dire, entre lui, il serait passé devant lui. Donc le Messie il a dit dans ce hadith-là, si jamais il aurait su le péché qu'il commet lorsqu'il passe devant lui, donc ceci nous prouve qu'il y a une sutra ou pas. Qu'il passe devant lui, ça aurait été meilleur pour lui qu'il se tienne debout. Donc l'avis qui dit que celui qui ne met pas de sutra, tu as le droit de passer devant lui, c'est un avis qui n'a aucune preuve qui appuie cela. Il n'y a aucune preuve qui a pris cela. Bien, l'axe, les preuves nous prouve que Naham, qu'il est interdit de faire ça, qu'il a mis une sutra ou pas. قال رحمه الله تعالى ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. Il dit donc il n'y a pas de différence, le jugement il est même, tamam, que ce soit Masjid al-Haram ou bien dans d'autres masajid, yani tu n'as pas le droit à la personne, elle n'a pas le droit de passer entre lui et sa sutra. Donc les personnes comme c'est le cas de Mecca, lorsqu'elle passe devant toi, tu mets ta sutra ou tu mets ta main pour l'empêcher, il force le passage et il passe. Dès que tu l'attrapes dans le coin, après avoir pris, tu dis pourquoi tu as fait ça, il va te dire on a Mecca. On a Mecca, il n'y a pas de sutra. Ça, c'est pas vrai. Alors, le Messie, lorsqu'il a dit la tusalli ila sutratin, il n'a pas dit la tusalli ila sutratin illa idha kunta fi Mecca. Law qala dhalika an-Nabi sallam, la kunna na'am. Tamam, an-Nabi sallam, lorsqu'il a ordonné de prier vers une sutra, il n'a pas restreint l'endroit. Donc, le fait qu'il ne restreint pas l'endroit, ça veut dire que c'est général. S'il y avait une preuve qu'aurait prouvé cela, on l'aurait fait. Mais comme il n'y a pas de preuve, donc on dit l'interdiction à l'enveloppe kadalika, Masjid al-Haram, et celui qui prouve que celui qui n'aram prétend le contraire, c'est à lui de ramener la preuve. Nous, on a une preuve qui prouve la généralité, à lui de ramener la preuve qui prouve yani, que c'est restreint. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء نعم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. Il dit la preuve qui nous prouve qu'il est interdit de passer entre le musalli, que ce soit qu'il soit dans le masjid al-haram ou bien dans d'autres masajid, il nous dit le hadith comme on a pu le voir, si jamais la personne celui qui passe entre la sutra ou bien qui passe devant le musalli lorsqu'il prie, s'il savait le péché qu'il était en train de commettre, il aurait préféré se tenir debout 40. On va laisser le hadith comme il est, 40, c'est-à-dire 40 années, ça peut être 40 années, 40 jours, 40 secondes à la kulli hal, ça nous prouve que ceci est interdit. Et comme on a pu le voir, à partir du moment que la distance elle est en dessous d'une coudée s'il est prosterné ou bien trois coudées si jamais il est debout. قال رحمه الله تعالى وجوب منع المصلي للمرء بين يديه ولو في المسجد الحرام. Il nous dit qu'il incombe à la personne qui prie de repousser la personne qui veut passer entre lui et sa sutra, même si il était dans le masjid al-haram, comme on a pu le voir. قال ولا يجوز ونعم ولا يجوز للمصلي نعم ولا يجوز للمصلي الى سترة ان يضع ahadan yamur bayna yadayhi. Lil hadith as-sabiq la tada ahadan yamur bayna yadayhi. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ou yani plutôt n'am Cheikh Al-Albani nous fait part dans ce texte qu'il est interdit à la personne qui prie de laisser quelqu'un passer entre lui et sa soutara. De laisser passer quelqu'un entre lui et sa soutara, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire cela. Il de laisser passer la personne en disant la tada' ahadan yamur bayna yadayhi, comme on a pu le voir dans le hadith. Yani précédent, le hadith yani en totalité c'est la tusalli ila sutratin wa la tada' ahadan yamur bayna yadayhi. Ne prie que vers une soutara et ne laisse personne passer entre toi ou devant toi, à partir du moment où cette distance-là, elle est, comme on a dit, d'une coudée ou trois coudées. Donc ceci est interdit de faire ça, c'est pas permis de faire ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous prouve encore plus cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, il a certes fait les démarches pour que la personne ou bien la chose, elle ne passe pas entre lui et sa soutara. Comme cela a été évoqué par Hadith ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, أنه قال نعم أن شاة أرادت أن تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه رواه الحاكم وصححه شيخ مقبل رحمه الله تعالى ضمن ce hadith qui a été authentifié par Cheikh Mokbel Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما nous informe que une fois un mouton alors que le prophète صلى الله عليه وسلم priait a voulu passer devant le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé ce mouton-là, afin qu'il ne passe pas devant lui, et s'est plaqué contre le mur, afin que le mouton il passe derrière lui. Donc ceci nous prouve, par l'acte du prophète, qu'il est interdit de laisser passer quelque chose, que ce soit une bête, ou bien que ce soit un homme, ou bien je veux dire un être humain, il incombe à celui qui prie de le repousser, ou bien de faire comme il a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas la capacité de le repousser, car un mouton, tu ne peux pas le repousser. Tu t'avances de manière à ce que le mouton ou bien la bête ne passe pas entre toi. Donc tu as deux manières afin de ne pas laisser passer quelqu'un entre toi et ta soutara. Soit tu la repousses, si tu as la capacité, et si tu n'as pas la capacité de le repousser, tu t'avances. Comme moi ça m'est arrivé, une fois j'ai pris au Masjid al-Hara et la personne qui a voulu passer devant moi, Allah Ta'ala, qui faisait au moins 150 kg. J'ai mis ma main et il m'a fait faire un 360 degrés. C'est-à-dire qu'en vérité, j'aurais dû m'avancer. Et pour laisser Yanni passer derrière moi, je pensais que j'aurais pu l'arrêter. Il m'a fait faire un 360 degrés. J'ai dû refaire la salade. Parce que parmi les conditions de la salade, c'est que tu sois en face de la qibla. Donc celui qui n'a pas la capacité, s'il voit maintenant la personne, elle est déterminée à veut passer et cette personne-là, elle est corpulente, c'est mieux que tu t'avances afin qu'il ne se fasse pas faire un 360 degrés comme il m'a fait. T'as et Naham, Kadalika, Naham, le fait que tu repousses la personne. Et qaddarallahu ma fa'al, en repoussant cette personne là elle est tombée, elle est morte. Est-ce que il y a la loi du talion, elle s'implique sur toi? Non, parce que là tu as fait une chose qui était légiférée fil din. Mais comme ils ont évoqué certains ulama, comme c'est le cas de l'imam Ibn Abd al-Barr, il nous dit yani bil ijma', tu as le droit de repousser la personne à partir du moment où ton acte lorsque tu le repousses a fait pas de toi qu'on te qualifie d'une personne qui n'est pas en train de prier. Donc c'est quand Nabi Sassoum me dit c'est pas tu te bats avec lui, c'est pas un combat avec lui, c'est pas une bagarre, tu lui mets des coups de poing, il met des coups de poing, non, tu le repousses. Quand il dit tu le repousses d'une manière qui est un peu plus brusque que la première fois. La première fois, tu mets ta main, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas possible, il est interdit qu'il passe entre toi et ta soutara. S'il ne comprend pas, tu le repousses un peu plus. Et ainsi de suite. S'il revient, tu le repousses. Mais d'une manière à ce que, na'am barakallahu fikum, ton acte, ou bien d'une manière à ce qu'on ne ressent pas à travers tes actes que tu n'es plus en train de prier. La personne, elle le voit, elle dit regarde, tu es en train de se chamailler. À partir du moment où on voit que tu as des actes et des gestes qui font que tu n'es plus en salat, qu'on ne peut plus considérer ça comme les actes de la salat, ta salat, elle est batala. Donc, quand c'est comme ça, on n'a pas la capacité, comme on a pu le voir, la personne elle s'avance, comme l'a fait Nabi Sallam avec le mouton. Il s'avance contre la soutra, et jamais la personne ne pourra passer, à part si jamais vraiment il décolle du mur. Donc, après là, c'est une autre histoire. Mais le fait que tu te colles au mur, la personne n'a plus la capacité de passer entre toi et ta soutra. Donc, ça, c'est une chose à bien respecter, à bien prendre en considération, qu'il faut, quand on repousse la personne, on la repousse d'une manière qui fait qu'on ne sort pas de la prière. Et la preuve qui prouve que t'as pas la loi de ta nuit ne s'impose pas sur toi, si jamais tu l'as repoussée d'une manière à ce que, pas brusquement, mais tu l'as repoussée, et on va dire une pierre était derrière lui, il est tombé par terre et ça aboutit qu'il est mort. La preuve qui prouve que t'as pas à rembourser la diya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqtulu nafsan lati harrama Allah illa bil haqq. Ne tuez pas ou n'assassinez pas l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'elle soit tuée, excepté si jamais c'est légiféré. Donc le fait que toi tu l'as repoussé parce que Nabi Sallam t'a ordonné de le faire. Parce qu'il a dit la tadar ahadan yamur bayna yadayhi. Donc tu l'as repoussé, tu as fait ce que Nabi Sallam t'a ordonné, t'a imposé. Ensuite, si cette personne-là est tombée, après cela, elle est morte, toi tu n'as rien à voir dans l'histoire. Et tu n'auras pas après la loi du talion, elle ne s'impose pas sur toi. Ça va ? قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرى ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. Donc الشيخ الألباني nous ramène un hadith qui nous prouve qu'il est obligé à la personne de pas la laisser. Qui doit repousser la personne qui veut passer entre lui et sa sutra. Et le fait que toi tu le laisses passer et que tu avais la capacité de le repousser, c'est assez. Parce que Nabi Sallam, il a ordonné. Il a ordonné de faire ça. Même Hatta, il a appuyé cet ordre en disant repousse-le, fa'liyadfa'hu, fa'in aba. S'il se refuse et veut passer devant toi et ta sutra, fa'liyuqatilhu. Il a employé un terme qui prouve que vraiment tu ne laisses pas passer. Fa'liyuqatilhu, qu'il le combatte. Pas dans le sens où c'est une bagarre, mais dans le sens que tu ne le laisses pas passer. Yani, tu fais preuve lorsque tu ne veux pas laisser passer comme une personne qui combat entre lui, c'est-à-dire qui ne se laisse pas faire. Tu ne te laisses pas faire. C'est ça qui est voulu dans le sens et non pas de combattre en se mettant des coups de poing. T'as bien ? قال رحمه الله تعالى المشي إلى الأمام لمنع المرور. Donc, c'est quoi le jugement de s'avancer de quelques pas afin d'empêcher la personne, comme on a pu le voir, de passer entre lui et sa sutra. Donc, comme on a pu le voir dans le Hadith Ibn Abbas, dans la qissa dans laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaqué contre le mur afin que le mouton y passe derrière lui. Ça nous prouve qu'il est tout à fait possible à la personne de faire un pas ou deux vers sa sutra, quand même, afin que la personne ou bien la bête elle passe derrière lui. Donc, le fait que tu fasses un ou deux pas, quand même, ça n'annule pas la prière. Ça n'annule pas la prière. Au contraire, c'est une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Tamam. Qala rahimahullah ta'ala wa yajuzu an yataqaddama khutwatan aw akthar liyamna'a ghayra mukallafin min al-murur bayna yadayhi kadabbatin aw tiflin hatta yamurra min wara'ihi. Donc il est possible à la personne qu'elle fasse un pas ou deux en avant ou bien plus, yani afin qu'elle afin y aller dans le but que la personne ou bien la chose ou bien la bête passe derrière lui. Et comme il a dit, en gros, c'est pas pour l'empêcher de faire cela. La personne a fait un marche toute la longueur de la mosquée. Non. Ça, à partir du moment où tu fais ça, on dit cette personne-là est en train de marcher, elle n'est pas en train de prier. Donc le fait qu'on te qualifie d'une personne qui est en train de marcher et de marcher, ceci nous prouve qu'il n'était plus en salat. Yanni, c'est une chose, ou bien c'est un acte qui annule ta prière. Parce qu'on ne peut pas te qualifier comme étant une personne qui prie. Tamam. Donc, Yanni, dans cela, c'est un ou deux pas, comme l'Annabi Sallam l'a fait. Yanni, de fait, à ce que tu puisses te plaquer contre ta sutra afin que la personne n'a pas de retard. Tamam, sans faire de atakallu fi dhalika. Qala rahimahullah ta'ala ma yaqtaru as-salah. Donc, Inch'Allah, on va essayer de finir de prendre toutes les masaïdes, tous les sujets qui sont en rapport avec la sutra. Donc là, ça fait combien de minutes? 55, Inch'Allah. 5 minutes et on en finit, Inch'Allah. Et quelle heure? Midi 4. Qala rahimahullah ta'ala ma yaqta'u as-salah. Quelles sont les choses qui, si jamais elles passent entre toi et ta sutra, tamam, ça annule ta prière. Qala wa inna min ahammiyati as-sutra fi as-salah annaha tahulu bayna al-musalli. قال وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته. Nous dit الشيخ الألباني parmi les points importants et parmi les sagesses quant au fait que la sutra elle a été légiférée, c'est afin qu'elle soit un rempart entre toi et les choses qui nuisent à ta prière, ou bien les choses qui annulent ta prière, qui nuisent à ta prière, comme la personne qui passe devant toi et qui va te chambouler, te perturber dans ta salah. Tamam. Ah, c'est bon, c'est le son est bon pour tous. On va essayer de finir, Inch'Allah, parce qu'il en fait la. Ils font la dame, Inch'Allah. C'est bon, tamam. Donc, Cheikh Al-Albani, il dit la sagesse quant au fait que la sutra elle a été légiférée, c'est pour que elle soit un rempart contre les choses qui vont te nuire, c'est-à-dire comme la personne qui passe entre toi et ta sutra, tamam. Parmi les personnes, il y en a ici, si elle passe, ça ne t'annule pas la prière. Parce que le fait qu'elle passe entre toi ta prière, ça va te chambouler. Son rôle, c'est de perturber les gens. Et la personne, lorsqu'elle passe entre toi et ta sutra, elle se sert, comme on a pu le voir, identifier un shaitan, c'est-à-dire en te perturbant dans ta salah. Et Kadhalika nous dit, l'autre sagesse, pour, la raison pour laquelle le but dans lequel la sutra a été légiférée, c'est que Kadhalika est un rempart contre les choses qui annulent ta prière. Parce que on va le voir, Inch'Allah, il y a une certaine catégorie de choses ou bien de personnes qui, si elles passent entre toi et ta sutra, ta prière est annulée. Tamam. Il nous dit, بخلاف الذي لم يتخذه فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكبل الأسود. Donc il dit trois choses. Il y a des si jamais elle passe entre toi et ta sutra, c'est-à-dire que tu as mis une sutra devant toi ou que tu l'as pas mis, que tu as mis une sutra devant toi ou que tu l'as pas mis, à partir du moment où ces trois choses-là vont passer dans la distance qui est naram, comme on a pu le voir, une coudée, si jamais tu es prosterné, ou bien trois coudées, si jamais tu es debout, si jamais ces trois choses-là, ou bien ces trois types de personnes passent devant toi, ta prière elle est annulée, donc tu dois la recommencer. Et quelles sont ces choses-là? Comme cela a été rapporté, comme le dit Cheikh Al-Albani, la femme qui est puberte. Et Kadhalika, l'âne et le kalb al-aswad. Ce n'est pas tous les chiens, mais le kalb al-aswad, le chien qui est noir. Et la preuve qui nous prouve cela, Naam barakallahu feikum, Hadith Abi Dhar, radiallahu ta'ala anhu, anahu qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqta'a salatu al-mar'a al-muslim, idha lam yakun bayna yaday mithla mu'akhkharatin rahla, al-mar'atu wal-himar wal-kalb al-aswad. نعم وقال في الحديث يعني هو الكبل الأسود هو الشيطان الكبل الأسود هو الشيطان أخرجه مسلم. Donc ce hadith rapporté par Muslim selon Abu Dhar رضي الله تعالى عنه, il nous dit que Nabi Sussan nous informe que la femme, l'âne et le chien noir sont des choses qui coupent ta prière, sont des choses qui annulent ta prière si jamais ils passent devant toi, c'est-à-dire entre la distance qui est légiférée entre toi et ta sutra, comme on a pu le voir. Donc ces trois choses-là, à partir du moment où elles passent devant toi, ta prière elle est annulée. Ta prière elle est annulée. Donc Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit al-mar'a, c'est-à-dire al-bint, celle qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, si jamais elle passe entre toi et ta sutra, ça va te certes te perturber dans ta salat, mais ça annule pas ta prière. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit al-mar'atu al-baligha, ou Nabi plutôt, Cheikh Al-Albani, il nous explique que al-mar'a, la femme qui est visée dans le hadith qui a été évoqué de Abi Dhar, rapporté par Muslim, la femme qui est évoquée dedans, c'est celle qui atteint l'âge de la puberté. Celle qui atteint l'âge de la puberté. C'est-à-dire, parce que certaines personnes, ils disent que c'est celle qui elle est menstruée. C'est celle qui s'est menstruée. C'est-à-dire que si jamais elle passe devant toi et qu'elle a ses menstrues, ta prière elle est annulée. Mais si elle a pas ses menstrues, même si elle a 40 ans, ta prière elle est pas annulée. Ça, c'est pas ça rien. Il a dit El Mar'a, la femme. Et lorsqu'il dit la femme, ceci plutôt exclut Naham la Elbint, c'est-à-dire la fille. La fille, elle est exclue de cela. Elle passe pas devant. Tamam. Et plutôt, le hukm, c'est que si la petite fille elle passe, barakallahu fikum, celle qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, ta prière n'est pas annulée. Ta prière n'est pas annulée, mais certes, ça va te perturber dans ta prière. Certes, ça va te perturber dans la prière. Et Naham, donc cette mas'ala-là, fi akhilaf. Certains ulama, ils ont dit que toute chose qui passe devant toi, ça annule pas ta prière. Ils ont pris des preuves, et ces preuves qui. Appuient leur position, c'est tous des preuves qui sont yani, faibles. Et le hadith, yani, qui est l'umda, celui qui est le pilier dans cette mas'ala, c'est le hadith qu'on a pu citer de Abdar, dans lequel Nabi Sassam dit que l'âne, la femme pubère, ainsi que le chien noir, ce sont des choses qui annulent ta prière s'ils passent entre toi et ta prière, entre toi et ta sutra. Ama hadith, la yaqta'u salat shay, c'est un hadith qui est da'if. Le hadith, il est da'if. En aucun cas, barakallahu fikum, il prouve que. Il prouve qu'il y en a, en aucun cas, on peut le prendre pour dire qu'il n'y a aucune chose qui annule ta prière. Et Kadalika, il est bon de savoir que la personne, si jamais Mathalan, il prend son épouse, il y en a comme sotra, c'est-à-dire sa femme se met devant lui, tamam, et lui il prie derrière elle. Est-ce que ça annule la prière ou pas? Non, parce que Nabi Sassan, il a dit, il a restreint l'annulation de la prière quant au fait, si jamais ces trois choses-là, elles passent entre toi et ta sotra. Mais la chose qui est stagne, qui est en position stagnante, qui ne bouge pas, tamam, ça, ça annule pas la prière. La personne, si elle prend son épouse comme sotra, c'est annule pas la prière. Même si jamais elle est balera, même si jamais c'est une femme, Nabi Sassan, il a dit, yaqta' salat al-mar. C'est-à-dire, si jamais la personne la passe entre lui et la sutra. Donc, Inch'Allah. Donc, on a pu voir ce verset-là, il était profitable. On a pu voir la longueur de la sutra, la largeur de la sutra. On a pu voir que ce n'est pas toute chose qu'on peut prendre comme sutra. Tamam. Que l'asr, c'est que toute chose est une sutra à partir du moment qu'il n'y a aucune preuve qui prouve l'inverse de cela, comme c'est le cas pour les tombes. Tamam. On a pu voir Kadalika qu'il n'est pas possible pour cela de prendre les tombes, les cimetières, plutôt les tombes des prophètes. Et Kadalika qu'il est interdit de passer entre la personne et sa sutra. On a pu voir aussi Kadalika le jugement qui incombe la personne, ou bien plutôt qu'il est impératif et imposé à la personne de repousser la personne qui veut passer entre lui et sa sutra, que ce soit dans le Masjid al-Haram ou autre. Tamam. On a pu voir Kazalika que la personne, il est tout à fait possible de faire un pas ou deux, ou bien de s'avancer vers sa sutra, si jamais elle n'a pas la capacité de repousser la chose qui veut passer entre lui et sa sutra, comme c'est le cas d'un mouton, ou bien si jamais la personne, elle est vraiment déterminée et veut passer entre toi et ta sutra, comme c'est le cas des gens qui sont ignorants dans le Masjid al-Haram, qui prennent comme dalil que tu as le droit de passer entre la personne et sa sutra. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Si jamais la personne, vraiment, tu vois que tu n'auras pas la capacité de la repousser, tu t'avances et tu la laisses passer derrière toi. Ceci, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et on a pu voir qu'à Dalika, pour finir, que les choses qui annulent la prière sont au nombre de trois, qui est la femme qui atteint l'âge de la puberté, même si jamais, maintenant, cette personne-là, elle n'a pas de monstrueux. Si jamais, dans général, elle n'a pas de monstrueux, à partir du moment où elle atteint l'âge de puberté, khalas. C'est-à-dire à partir de, si vous me suivez en ce moment, 15 ans. Comme ça a été évoqué dans le hadith Ibn Umar. Et Kazalika, le chien qui est noir, c'est-à-dire noir entièrement, c'est pas un chien qui est noir et blanc. Hein? S'il est noir totalement, ça annule la prière, si elle passe devant toi, et entre toi, t'as sutra, et Kazalika, al-Himar. Adahua, on as Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'ala zalika dars, nafi'atan, nafi'an lana wa lakum, wa hadahua, wa barakallahu fikum, wa inshallah, vendredi prochain, à 7h, inshallah, heure de France, on poursuivra, et on entrera dans. Le jugement de la niya dans la salah. Le jugement de la niya dans la salah. Wa barakallahu fikoum, à midi et demi, donc heure de France, d'ici 2 heures, vous avez un cours avec Al-Akh Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki, Arba'in al-Nawawiyyah, Liman Sha'a minkoum, An Yahdour, pour celui qui veut assister. Jazakumullah khairan. Est-ce qu'il y a des. Par contre, Inch'Allah, pour les questions, si vous avez des questions, notez-les. Et Inch'Allah, si jamais vous avez des éclaircissements ou bien des questions, notez-les pour la prochaine fois, c'est-à-dire vendredi, Inch'Allah, car là, ils ont fait l'adhan. Wa Inch'Allah, c'est Nakhoum ila Salah. Barakallahu alaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.